cette musique. C'est pour toi que je l'ai faite. Viens, Lynn, écoute cette musique. C'est pour toi que je la chante. Par la main, tu tentes de me pousser dans la mer, mais tu te retrouves dans mes bras. Tu es à moi, c'est toute la vie. Tu es pour moi toute ma vie, tu es mon soleil et ma richesse. Pour Antoine, que mille merveilles, je t'en supplie, écoute-moi. Te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette mélodie. Ah. Oui, tu te souviendras de nos caresses. Oui, tu te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette mélodie. Cette musique, c'est pour toi que je l'ai faite. Viens, Lynn, écoute cette musique. C'est pour toi que je la chante. Musique. musique. C'est pour toi que je la chante. Tu te souviendras de nos caresses, oui tu te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette mélodie. Oui tu te souviendras de nos caresses, oui tu te souviendras de nos ivresses. Si un jour je devrais partir, il te restera cette mélodie. C'est pour toi que je l'ai faite. Lynn, écoute ma mélodie. C'est pour toi que je la chante. Écoute donc cette mélodie amoureuse que j'ai cherchée dans la forêt du rose. Laisse-moi te la chanter les soirs. Laisse-moi te la souffler à l'oreille.